Kim Yong-nam, président du Présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée, s'est entretenu le 16 avril au Palais des congrès de Mansudae à Pyongyang avec la délégation du Parti national socialiste uni du Népal, conduite par le secrétaire général du comité central Sangkhor Lal Shilestin, la délégation du Parti populaire révolutionnaire de Mongolie, conduite par son secrétaire général Erdene Jamian, la délégation du Parti Zatia du Bangladesh, conduite par le secrétaire général du Conseil exécutif national Mostafa Zamal Haider, et la délégation du Parti islamique uni de l'Iran, conduite par le premier vice-secrétaire général Seyed Mehdi Julai, qui lui ont rendu une visite protocolaire.